Alexia. C'est la voix du samouraï, yo. Force et honneur, fier jusqu'à mon dernier souffle. C'est la mort avant le déshonneur. Les lettres jouent avec moi comme un sabre, son samouraï. Les créatures aident mon âme à bâtir des murailles. Je suis mon rail, il est pas né celui qui m'abusera. Prêt à donner ma vie, fier comme un yakuza. Je ne suis qu'un homme, faut rester humble avec force et honneur. Je respecte que les hommes braves de cœur, désolé votre honneur. J'ai vu des horreurs à croire que j'y arriverais pas. J'ai traversé les embûches, les tengus et les capas. Pas de capard car mon clan est derrière moi. Plus d'une corde à mon arc, toujours une flèche dans mon carquois. Un sourire narquois sur le visage de mes ennemis. Je dois bannir de mon âme cette haine, ces ignominies. Dans la lignée des samouraïs, nos poètes du bitume. On met nos douleurs et nos larmes dans des textes qui tuent. On défend nos valeurs à en risquer nos vies. Dans ce monde devenu fou, où c'est le plus fort qui survit. Des bafons j'ai ressurgi, je me suis insurgé. De mon âme le mal j'ai purgé. Au même instant des tas de gens se font gruger. Le démon les emporte, faibles se sont laissés ronger. Aujourd'hui les mecs tapent sans tenir debout. Ma motif c'est pas l'oseille, je suis pas un Yojinbu. Je dois tenir bon en attendant mon heure. J'ai gravé sur mon corps la mort avant le déshonneur. Passer maître dans le maniement des kanji. Calligraphe des temps modernes, j'ai de la peine même quand je ris. Tu peux lire la tristesse sur mon visage. Je me plains pas car nos morts ont vu de pires paysages. Avec l'âge, j'ai dû briser mes chaînes. J'ai aiguisé ma plume comme ce démon qui joue du charmichain. Musique du ciel, un art d'une pure beauté. Joué par un homme dont le cœur a été ôté. Je dois rester modeste, script des temps modernes. Je retranscris le monde en surveillant mon derche. La vie a fait de moi un verbal assassin. Seul contre tout, j'ai la mentalité d'un ronin. J'ai plus d'amour, plus d'espoir, plus de sensei. J'avance fier avec la mémoire de mes ancêtres. Loyauté, fierté, honneur et respect. Je me dois de rester droit et digne, même en temps de paix. FLX San, force et honneur. C'était la mort avant le déshonneur.